déplore les dieux électroniques. Message d'urgence sur toutes les ondes. Je suis cyber seul. Je n'ai pas de message. Vous êtes cyber seul. Vous n'avez pas de message. Mais sous le signe du numérique, je ne suis plus relié au monde que par un cordon ombilical. Et je reste au chaud bien sage dans mon ventre appartement. J'attends patiemment un message qui confirmerait mon existence. Un signe qui donnerait du sens à mon univers des cons, construit à la taille d'un électron. Mais rien ne vient troubler le rendement des machines. Je suis cyber seul. Je n'ai pas de message. Vous êtes cyber seul. Vous n'avez pas de message. Les yeux brûlés par les écrans. Je ne veux même plus sortir. Sentir souffler le vent sur mes ailes atrophiées. On me perfuse à domicile d'une boisson gazeuse futile. Et mes aliments préfabriqués me sont livrés sur mon palier. L'eau et l'air me semblent inutiles. Alors j'attends un message, un signal pour briser cette vie infernale. Alors j'attends un message d'amour. Je suis cyber seul. Je n'ai pas de message. Vous êtes cyber seul. Vous n'avez pas de message. Accessoire de ma pensée connectée en réseau. Je joue à vie des choses sans importance. Et je cherche à rencontrer sans me risquer à toucher. Contact sans contact. Et pourtant j'ai encore l'espoir de me réincarner dans ce corps endormi. Chaque jour j'attends demain. Chaque jour j'attends les mains qui viendront enfin me toucher.